Chapitre 18e. Elle l'avait écouté, appuyé sur le coin du piano, et presque pendant tout le temps qu'il avait parlé, elle avait tenu les yeux sur une frise du parquet, les relevant seulement pour le regarder d'un coup d'œil rapide et profond au moment où il avait fait intervenir sa mère. Lorsqu'il eut cessé de parler, elle ne changea pas de position, et il s'établit un silence, pour lui horriblement douloureux. Qu'allait-elle dire ? Elle tenait sa vie entre ses mains. Enfin, elle releva les yeux, et durant quelques secondes, ils se regardèrent sans rien dire. Ce fut lui qui le premier rompit le silence. « La demande que je viens de vous adresser, dit-il, n'exige pas une réponse immédiate. Et si anxieux que je sois d'entendre cette réponse, je vous prie de ne me la faire qu'après que vous aurez eu le temps de réfléchir à mes paroles et de me juger. Si je vous ai dit mon amour, ce n'est pas pour vous obliger à un engagement formel envers moi, mais bien plutôt pour que vous ne soyez pas amené à en prendre un d'un autre côté. » Elle secoua doucement la tête avec un sourire qui disait qu'elle n'était pas du tout disposée à cet engagement auquel il faisait allusion. « Madame Nélis m'a parlé, dit-il, de certains projets. » Le sourire se changea en un rire ouvert et franc. « Ah oui, le portugais, dit-elle. Et c'est cette histoire qu'on venait de vous raconter qui vous avait donné cet air mécontent avec lequel vous m'avez accueilli. Vous ne connaissez donc pas maman, et vous ne savez pas comment elle prend facilement ses désirs pour des réalités. Cependant, il est vrai que monsieur le comte de Sexas est venu plusieurs fois ici. Il m'a acheté une petite toile. Il a été d'une politesse d'opéra comique avec maman. Avec moi, il épuise tout son répertoire de compliments. Mais de là à vouloir m'épouser, et surtout à ce que je l'accepte pour mon mari, il y a une certaine distance que l'imagination seule de maman pouvait franchir. La vapeur, l'électricité sont des forces enfantines comparées à l'imagination de maman. Si vous voulez la suivre dans ses rêves, vous ne tarderez pas à être épuisé. Je n'ai parlé que d'après ce qu'elle m'a raconté. Mettez-vous bien dans la tête que maman se figure qu'elle a pour fille une personne incomparable, qu'on ne peut pas voir sans aimer. Et encore, aimer est-il bien faible ? C'est adorer qu'il faut dire. Cette personne a toutes les séductions réunies en elle, la beauté, l'esprit, le cœur, le talent, etc., etc., comme disent les notaires. Tous ceux qui l'approchent, subjugués, affolés. Des amants qui aspirent à devenir des maris. Maman attend pour moi un prince charmant, un héros de féerie qui arrivera couvert de diamants et qui me ravira dans une apothéose. Ces choses-là se voyaient du temps de Cendrillon. Et s'il y a encore des Cendrillons, il n'y a plus de prince charmant. Il y a vous, il est vrai. Vous êtes couvert de diamants et vous êtes charmant, mais vous n'êtes pas prince. Il la regarda tristement. Cela vous fâche de m'entendre parler ainsi. Mais vous savez bien que je ne suis jamais plus sérieuse que quand je parais plaisanter. Soyez certain que je parle sérieusement. Si l'air est léger, les paroles sont graves. De tous ces prétendants rêvés par maman, savez-vous combien il s'en est présenté ? Je vais vous le dire pour vous rassurer. Parmi les artistes, j'en ai trouvé 3 ou 4 qui auraient bien voulu de moi pour femme. Ils étaient vieux et fatigués, ou bien jeunes et sans talent, et ils calculaient que, sous leur direction, je serais d'un bon produit pour le ménage, de sorte que l'affaire était avantageuse pour eux. Ils ont bien voulu me la proposer. Parmi les gens du monde, il s'en est rencontré aussi à qui la forme de mon nez a plu, et qui ont pensé qu'avec une rivière de diamants, je leur ferais honneur dans une avant-scène. Mais cela ne parlait pas de m'épouser. À quoi bon le mariage entre honnêtes gens qui se comprennent à demi-mot ? J'oubliais de bons vieillards qui ont eu la générosité de m'offrir leur expérience, pour m'aider à faire mon chemin dans la vie. Ce qu'ils demandaient en échange était si peu de choses que je serais une sotte de ne pas accepter avec reconnaissance. Vous seul, mon ami, au milieu de cette troupe d'adorateurs, m'avez parlé noblement. Jeune, riche, aimant, vous n'avez pas craint de demander à une fille qui n'a rien de devenir votre femme. Je vous en remercie. Vous ne savez pas quel bonheur vous m'avez donné. En vous écoutant, je me disais, il s'en trouve donc un enfin qui parle avec son cœur, et le bonheur veut que ce soit celui-là même que j'aurais choisi entre tous, le camarade de ma jeunesse, mon ami. « Ah, chère Juliette, » s'écria-t-il en se mettant à genoux devant elle, mais elle le releva vivement. « Je vous en prie, » dit-elle, « ne donnez pas mes paroles un sens qu'elles n'ont pas, et ne les interprétez pas au gré de vos désirs. Écoutez-moi jusqu'au bout, avant de vous réjouir ou de vous attrister. » Puis, lui souriant doucement, « Mettez-vous là, en face de moi, sur cette chaise, et causons. Tout à l'heure, en me parlant, vous étiez maître de vous, vous ne disiez que ce que vous vouliez dire. Qu'il en soit de même maintenant en m'écoutant. J'ai toujours vu qu'au théâtre, les scènes d'amour se jouaient avec des grands mouvements de bras, des mains passées dans les cheveux, des cris, des larmes. Mais nous ne jouons pas la comédie, nous sommes dans la réalité de la vie. Notre avenir dépend de nous, tâchons de ne pas le compromettre. » Est-ce dit ? Elle lui tendit la main. Il voulut la garder dans les siennes, mais elle la dégagea de manière à lui faire sentir qu'il ne devait pas essayer de la retenir. « Vous savez, dit-elle, comment, à la mort de mon père, nous avons été ruinés. Heureusement, il s'est trouvé dans sa succession ce qui était nécessaire pour payer ce qu'il devait. L'honneur était sauvé. Seulement, ma mère et moi, nous restions sans rien, littéralement sans un sou, ne conservant que quelques meubles, ce piano entre autres et ses livres. Il fallait vivre. Ma mère n'avait pas été habituée au travail, elle ne pouvait rien. Moi, par bonheur, je pouvais quelque chose. Mon père, comme s'il prévoyait l'avenir, avait voulu me faire donner une éducation solide. J'avais passé mes examens, j'étais assez bonne musicienne. Enfin, j'avais en peinture un petit talent d'amateur. On me trouva des dessins à faire pour la bijouterie. Je gagnais assez pour nous faire vivre. On pesait le pain à chaque repas, il est vrai, mais enfin, on vivait. Au lieu de m'en tenir au dessin pour l'industrie, j'étudiais la peinture, je travaillais sérieusement, non pas dans l'espérance de devenir une artiste de talent, je n'avais pas alors une ambition si haute, mais pour mieux faire demain ce que j'avais fait à peu près hier. Et à force de travail, j'arrivais à franchir le pas difficile et haut qui sépare l'artiste de l'amateur. Alors, l'ambition que je n'avais pas eue tout d'abord me vint. Je rêvais d'avoir du talent, d'être quelqu'un, de me conquérir un nom. Ne riez pas. Je ne ris pas, je vous admire. Beaucoup de jeunes filles mettent leur idéal dans un beau mariage. Moi, j'ai mis le mien dans la peinture. Je sais que cela contrarie ma mère, qui croit que les artistes doivent un jour mourir de faim. Mais c'est là une idée dont j'espère la faire revenir par l'expérience. Cela commence déjà. Elle n'est point encore morte de faim. On ne pèse plus le pain depuis longtemps. Et il y a des jours où son amour-propre maternel est agréablement chatouillé. À son grand étonnement, elle a vu des peintres qui gagnaient 100 000 francs par an à mettre du bleu et du vert sur une toile blanche. Elle ne tardera pas longtemps maintenant à dire que Rosa Bonheur, comparée à moi, est un bien petit talent. Dans ces conditions, vous devez donc comprendre que je sois peu disposé au mariage, qui serait pour moi la mort de la peinture et l'anéantissement de mes espérances. Franchement, je n'ai pas travaillé 12 heures par jour pendant 6 ans pour en arriver là. Je n'ai pas bâti des châteaux en Espagne pour les démolir de ma propre main, de gaieté de cœur et sans raison. Sans raison ? Pouvez-vous parler ainsi ? Vous m'avez demandé de parler avec sincérité. Je vous prie de ne pas vous fâcher de ce que je peux dire. La vérité pure, dans les circonstances présentes, doit passer avant les convenances et les ménagements. Ce que j'ai voulu dire par le mot « sans raison », c'est qu'un grand amour, une passion irrésistible pourrait seul me contraindre à renoncer à la peinture. Eh bien, cet amour, je ne le ressens pas. Ah, vous êtes cruel. Pour vous, j'ai une grande amitié, une estime véritable. Je vous ai vu bon, généreux. Vous aimez votre mère avec une tendresse qui montre à tous quel trésor il y a dans votre cœur. Et je crois que si j'avais dû ressentir de l'amour pour quelqu'un, c'eût été pour vous. Mais les sentiments que j'éprouve pour vous ne ressemblent en rien à l'amour. Et savez-vous ce que c'est que l'amour ? Sans doute, j'expliquerai mal ce que ce mot représente pour moi. Et un entretien sur cette question n'est pas possible entre nous d'ailleurs. Cependant, il faut bien que je vous dise que l'amitié très vive et très profonde que j'éprouve pour vous ne va pas jusqu'à l'anéantissement de volonté, jusqu'à la domination, jusqu'à la possession qui doit se trouver dans l'amour. Et vous le voyez bien vous-même, puisque je vous résiste. Est-ce que si je vous aimais d'amour, je pourrais vous parler avec ce calme en déduisant mes raisonnements? Est-ce que je ne serais pas tombé dans vos bras? Argar n'eût-il pas été ma seule réponse? Contre l'amour tel que je le comprends, on ne lutte pas. Car on est heureuse de succomber. Il se cacha la tête entre ses mains. « Je vous peine, » dit-elle en continuant, « et je souffre moi-même de la douleur que je vous impose. Cependant, il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Une raison encore et bien puissante, celle-là, s'oppose à ce mariage que vous désirez, votre mère. En m'adressant à votre demande, m'apportez-vous l'approbation, le consentement de Madame d'Alifar? Non, n'est-ce pas? Au moins, croyez-vous que votre mère, qui a une fortune considérable, vous permettrait d'épouser une fille qui n'a rien? Rappelez-vous votre départ pour l'Angleterre. D'un autre côté, croyez-vous, la question d'argent résolue, qu'elle vous verrait avec plaisir épouser une artiste? Comment m'admettrait-elle dans son intérieur? Moi-même, comment accepterais-je une vie bourgeoise? Enfin, vous, comment pourriez-vous vous partager entre votre mère voyant noir et votre femme voyant blanc? Du côté de laquelle vous rangeriez-vous? Cette vie à trois sera-t-elle le bonheur pour votre mère, pour vous, pour moi? Vous voyez bien que ce mariage n'est pas possible, que ce rêve que vous avez fait n'est pas réalisable. Mais quoi qu'il arrive, mon amitié se trouvera singulièrement accrue de ce que vous m'avez bien voulu me le proposer. Je suis fier que vous m'ayez jugé digne d'être votre femme et la fille de votre mère. » Elle lui tendit la main, et cette fois elle la laissa dans les siennes tout le temps qu'il voulut la garder. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Enfin, il reprit la parole. « Ce que vous venez de me répondre, dit-il, m'a désolé. Mais si grande que soit ma déception et si vive que soit ma douleur, je ne suis point découragé. Maintenant, j'ai une dernière demande à vous faire. Et parce que vous venez de me dire, je suis certain d'avance que vous ne me la refuserez pas. Promettez-moi de n'écouter aucune proposition et de ne devenir la femme de personne si vous ne voulez pas être la mienne. » Ah, cela, je vous le jure bien volontiers. Alors, rien n'est perdu. Que voulez-vous? Qu'espérez-vous? Vous conquérir. Et pour vous obtenir, vaincre ma mère, vaincre la peinture, vous vaincre vous-même. Oh, cela, dit-elle avec un sourire de doute. Vous ne savez pas ce qu'on peut quand on aime. Et je vous aime, Juliette, je vous adore.